vous êtes à l'écoute de... De Transjonal. Bonjour à tous, soyez les bienvenus à l'écoute de Fréquence Perestroïka, l'émission de la musique folklorique et engagée. Suite à l'insistance de quelques membres de la radio, je ferai donc mon tonitruant retour sous le signe de Noël. Ah, qu'est-ce qui est plus insupportable pour le cerveau que ce pavé obscène de chants de Noël qu'on nous impose chaque année. La révolte est étouffée dans le rouge Coca-Cola du petit Sinterklaas qui s'est exporté à Capitalism Land sous le nom Santa Claus. C'est bien pour ça que je considère que Noël est très hypocrite et surfait. On va en parler un petit peu plus. Et coup de bol cette fois-ci, on oublie les chansonnettes rituelles pour quelque chose de plus engagé, pour une émission anti-Noël, ou Noël Anard, comme vous préférez, en compagnie de Gwen de Radio Air Libre pour une collaboration hautement antifasciste. Bienvenue Gwen. Oui, salut. Bon, donc comme Raoul vient de dire, je fais partie des radios libres à Bruxelles, qui a comme Radio Salamandre commencé comme Radio Pirate en soutien des luttes politiques locales dans les années 80. Par contre, la Radio Libre est plutôt créée pour pouvoir entrer en contact avec les prisonniers et camarades politiques enfermés à cette époque-là. Et pour ça, le studio est encore situé tout près de prison de Saint-Gilles et de Forêt. Peut-être que ça vous fait sonner quelque chose, mais l'émission Passe-Muraille était bien connue dans le temps. Moi, j'ai rejoint il y a quelques années l'équipe de l'émission Transjonal. C'est une émission anarchiste qui se passe tous les mercredis soirs à 20h30 sur Radio Libre. Et on avait l'habitude, avec Transjonal, de faire des émissions anti-Noël, mais ça fait quelques années qu'on n'en a plus fait. Et quand j'en ai parlé avec Raoul, il était très emballé de faire ensemble pour diffuser en simultané Radio Air Libre et Radio Salamandre ce vendredi soir à 20h pendant votre repas de Noël. Exactement. On se retrouve donc vendredi soir, mais également aujourd'hui en direct de 18 à 19h et ce sera rediffusé tous les jours de cette semaine sur Radio Salamandre. Je vous propose une petite mise en jambe hautement punk avec les Sex Pistols et je vous promets, on ne rentrera pas trop dans la chansonnette de Noël ce soir, mais je vous propose une petite version de Jingle Bells. All right, you lot are rolling, ready? Dashing through the snow when one has self a sleigh. How that feels we go, laughing all the way. Bells on pop your ring, make it spirit bright. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Jingle bells. A day or two ago, I thought I'd take a ride. As soon as Friday bright was sitting by my side. My horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. Until we hit a stairway back and then we end up stuck. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Well, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Well, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Now the ground is white, go ahead and us tonight. I sang that slaying song just get up off your bay to party for his pain. It's up to a slay and then you'll take a lane. Take your bells, take your bells, take it all away. How I find it is to ride in one horse up a slay. Take your bells, take your bells, take it all away. How I find it is to ride in one horse le classique Jingle Bells, interprété par les Sex Pistols. Je vous propose de rester dans une petite touche anard avec un groupe que vous connaissez très très bien, non seulement parce qu'il passe régulièrement dans mes émissions, mais en plus car c'est un des piliers de la musique engagée ici en Belgique, les René Binamé. Je vous propose un petit extrait de leur album Noël, etc., qui s'appelle Le Père La Purge, je dirais même Le Père Noël La Purge. Je suis le vieux Père Noël, bienfaiteur de l'humanité. Contre sa bile, je m'insurge avec mon pote Saint-Nicolas. J'ai tout ce qu'il faut dans ma hotte, sans le tonnerre et les éclairs, pour bien purger toute la clique des infâmeurs de l'univers. Son mal vient des capitalistes, plus ou moins grands à la ronger. En avant les gars anarchistes, fils de marin, faut la purger. J'ai du pétrole et de l'essence pour badigeonner les chatons. Des torches pour la circonstance à mettre en douce le flambeau. J'ai du picrate, de potasse, du soufre et du chlore en tonneau. Pour assainir partout où passent les empoisonneurs de cerveau. J'ai des pavés et de la foudre, de la dynamite à poison. Qui rivalise avec la foudre pour débarbouiller l'horizon. J'ai poudre verte et mes limites, tous les fameux produits mes enfants. Pour nous débarrasser plus vite de ces mangeurs de pauvres gens. J'ai pour les gavés de la table, la bombe placée à servir. Plus haut d'un ballon dirigeable par les doigts pour les rafraîchir. Voleux et traîtres, bourgeoisie, prêtres et bandits. Couronnés, il faut que d'Europe en Asie vous soyez tous assaisonnés. J'ai tout ce qu'il faut dans ma route, sans le tonnerre et les éclairs. On vient purger toute la clique des infâmeurs de l'univers. C'était Le Père Noël La Purge, une reprise de la célèbre chanson Le Père La Purge, un classique anarchiste intemporel. Je vous propose à présent de passer tout doucement à un autre groupe qui a été publié il n'y a pas longtemps, justement par les René Binamé, qui s'appelle Back 13, avec le morceau C'est Noël. Mais avant ça, n'oubliez pas que Noël, c'est avant tout une fête capitaliste de nos jours. Qu'est-ce que tu en penses, Gwen ? C'est vrai, à Noël, on fait semblant que tout va bien, parce que, soi-disant, il y a la paix dans forteresse Europe. Mais entre-temps, le capitalisme ne lâche pas son plus grand profit, c'est le commerce des armes, en créant les guerres partout dans le monde où il y a des profits à faire, mais aussi la militarisation des frontières contre leur plus grand ennemi, c'est des gens en migration. Mais on ne laisse pas faire et on a créé la résistance ensemble avec des gens en migration. Et on va jusqu'à l'abolition des frontières et son armée Frontex. Pour plus d'infos, rejoignez le réseau international Abolish Frontex et on lance des chansons en solidarité avec les gens en migration. Oui, n'hésitez pas à suivre Abolish Frontex. Vous pouvez le retrouver sur la plupart des réseaux sociaux et évidemment sur leur site également. Je vous propose du coup de passer à Back 13, qui sont justement pas mal connus dans les mouvements pour l'ouverture des frontières. On vous en parlera peut-être un petit peu plus tard. Je vous propose d'écouter leur morceau « C'est Noël ». « Merci à Reva, Teco et Axpo pour que ce bel hiver soit un peu plus nucléaire. Merci McDonald's, Nestlé et Danone pour toutes ces bonnes choses qu'on a mangées cette année. C'était vraiment délicieux, on s'est régalé. Merci Monsanto, Givaudan et Firmenich pour mettre tant de magie et de chimie dans nos vies. Merci Novartis, Roche et Bayer pour toutes ces bonnes drogues et ces bons médicaments qui nous procurent bonne humeur et bonne santé. C'est Noël, c'est Noël. Merci à Exxon, BP, Shell et Total pour ce climat fantastique, ce pétrole et ce plastique. Merci à Liberton, Suez et Gazprom pour tous ces jolis trous un petit peu partout, pour cette eau délicieuse et rafraîchissante. Les enfants. Merci à la Russie, aux USA, à l'Europe de vendre des jouets par milliers aux enfants. Merci à Goldman Sachs, UBS et leurs amis qui veillent si gentiment à nos intérêts. Grâce à leur bon travail, tout va très bien. C'est Noël, c'est Noël, et c'est vraiment trop super. On va tellement faire la fête. C'était le morceau « C'est Noël » de Bac 13. Oui, je vais juste dire un mot sur Bac 13 encore, parce que Bac 13, j'ai fait connaissance avec ce groupe-là. À Lesbos, quand je suis allée visiter mes amis qui faisaient du bénévolat là-bas, et là, c'était vraiment la chanson de Bac 13, c'était « No Border », Lesbos, et vraiment, c'est électro à fond la caisse, et tout le monde en sait, si ensemble avec les migrants, à Lesbos, c'est vraiment la chanson de combat de résistance à Lesbos. Je rappelle d'ailleurs que le 18 décembre dernier, il y avait une marche à Bruxelles contre Frontex. Nous sommes passés devant la plupart des ambassades qui avaient un rôle prépondérant à jouer et devant les bureaux de Frontex à Bruxelles qui étaient hautement protégés et surveillés. La manifestation s'est déroulée dans le calme, la paix, la joie et surtout la chanson. Ouais, mais c'était juste pour montrer et donc c'est pour dire voilà, restez créatifs, organisez-vous et rejoignez Abolish Frontex. Oui, rejoignez Abolish Frontex et n'oubliez pas l'abolition totale des frontières, ça finira par. C'est la seule solution. Justement, un groupe qui a pas mal milité pour l'abolition des frontières, que je passe peu dans mon émission mais que j'aime énormément. Ils s'appellent Asian Dub Foundation, ils ont été fondés en Angleterre par un collectif international composé autant d'anglais que de personnes d'origine indienne. Ils ont fait notamment une chanson assez dans le thème qui s'appelle Fortress Europe. Je vous propose de la découvrir ou la redécouvrir avec nous. Je les écoute. « back of the walls. The Fortress Europe. You bombed it out, telling us to go home. Machine guns brought on the cliffs of no war. Heads down, people look out, we're going no more. Burning ash covers up every entry. Parts of my house, a millennial century. Safe European home, pure wars. Never lacking the affair, never lose the cause. Shippers in your head, that I'm a shoulder. Total control just round the corner. C'était Asian Dub Foundation avec le célèbre morceau Fortress Europe. Vous pourrez évidemment retrouver les liens pour Abolish Frontex dans le podcast de l'émission que vous trouverez sur le Mixcloud de Radio Salamandre. Je rappelle que vous êtes toujours à l'écoute de Fréquence Perestroïka, l'émission de la musique folklorique et engagée, pour une émission spéciale anti-Noël en compagnie de Gwen de Radio Air Libre. Vous pourrez donc réécouter cette émission sur Radio Air Libre et sur Radio Salamandre. Une collaboration exceptionnelle. Je vous propose à présent de passer un petit peu sur un groupe qui s'appelle Combat Wombat. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, Gwen? Ouais, Combat Wombat, c'est un groupe rap, australien, donc qui chante en anglais. Et ils ont des super morceaux, super engagés, très politiques. Leur dernier album, ça s'appelle Just Across the Border. Mais maintenant, on va écouter Asylum, c'est une des chansons de cet album-là, qui parle de nouveau de sans-papiers, de personnes en migration et de la destruction des frontières. Solidarité avec tous les sans-papiers. Je vous propose d'écouter donc Combat Wombat avec le morceau Asylum. Asylum.

Du coup, si tu veux faire une bonne action pour Noël, tu sais ce qu'il te reste à faire. Ah oui, par contre, il y a une action le 24 décembre, c'est devant le centre fermé à Votem à Liège, avec CrackP, c'est aussi un collectif en lutte là-bas, et c'est leur manifestation annuelle pendant la période de Noël. Eh bien, si vous n'êtes pas accroché au poste ce 24 décembre, on espère vous y voir pour cette action. Ouais, et toutes les infos se trouvent pour ce genre de truc sur bxl.indymedia.org. C'est un peu le média alternatif à Bruxelles avec les actions militantes. Je te propose du coup de passer à un groupe russe militant que tu connais bien, Moscou Death Brigade. Oui, c'est vrai, c'était super emballant. Ils sont venus, on m'a passé encore en magasin 4. La salle était blindée, on était vraiment en train de tous ensemble crier alerte, alerte antifasciste, ce mois tout est antifasciste. Et voilà, c'était vraiment super emballant et bien. Et donc, ils ont aussi fait une chanson qu'on est tous des personnes sans papier, on est tous des réfugiés. Donc, Papers, Please de Moscow Death Brigade. Moscow Death Brigade 2015. The bloody Vikings of the beat, it's us. No one is illegal. One place of rock, wrong papers for an accent. The present here is an acceptable accident. The done accident, public the level's excellent. His speed and lies in the eyes and never hesitate. You know what I'm saying, if it's not just by your prayers, then look the other way for terrorists, mothers and slavers. But if you're running for your life and you escape the slaughter, then let your wife die to feast on your sons and daughter. First in the water, the feast of legalized murder. The lies about human rights don't cross the quarter. Leave on the bomb, let the beast strong walk the border. And feed the world another day for double-top reporter. Forward to the past. Can I ask, do you remember? And the allies are sending people back to gas chamber. Defeat the beast, at least you know what to expect. Instead of borders and the history repeats itself. Papers, please. They got you on your knees. Straight face, face to the death. Death to the police. Who's the real illegal people? Who's the real disease? We all immigrants, we all refugees. Papers, please. They got you on your knees. Straight face, face to the death. Death to the police. Who's the real illegal people? Who's the real disease? We all immigrants, we all refugees. The circle closes and the history repeats itself. Like 80 years ago, abandoned and close to the death. Who happened to be born on the wrong side of the fence? Ignoring all the atrocities and cries for help. They're almost dead, but the balance of lost humanity. Progressive border, the society begets another malady. The remedy, humanitarian calamity. Another people denied their right to live in vanity. Another human race catastrophe. Another instance of entitled masses showing lack of empathy. Authorities awakening more. People lying idle as refuse to take responsibility for leaders' violence. Communities of hypocrites reveal their rotten values. Civilized, more devoted, basic principles of kindness. Close minded, close the borders and to deny. The price of economic comfort is their innocent mind. Papers, please. They got you on your knees. Straight face, face to the death. Death to the police. Who's the real illegal people? Who's the real disease? We all immigrants, we all refugees. Papers, please. They got you on your knees. Straight face, face to the death. Death to the police. Who's the real illegal people? Who's the real disease? We all immigrants, we all refugees. Face the facts, no thanks, you pass the black steps. Please go back for war, torture and the death camps. Join the ranks, labeled as illegal people. Lost by those who signed blood from golden cuff sneeple. From the families, tragedies to the devilies. They put another spike fall on the landless seas. But why we surprise lost evidence? Infection of the whole soul and all genesis. Papers, please. They got you on your knees. Straight face, face to the death. Death to the police. Who's the real illegal people? Who's the real disease? We all immigrants, we all refugees. Papers, please. They got you on your knees. Straight face, face to the death. Death to the police. Who's the real illegal people? Who's the real disease? We all immigrants, we all refugees. No immigrants, we are all refugees. C'était le morceau Paper Please de Moscow Death Brigade. Ouais, et avec cette chanson, on peut un peu clôturer la thématique. Frontex et No Border. Et passer à un petit morceau des camarades des Fossoyeurs Sceptiques qui nous viennent du nord de la France et que j'ai eu l'occasion de rencontrer et avec qui j'ai partagé la scène d'ailleurs dans un endroit délicieux qui se nomme le BNR et qui se situe à Tournai où de nombreux chouettes concerts ont lieu. N'hésitez pas à passer un jour faire un tour au BNR. Je vous propose donc d'écouter cette petite formation que j'appellerais punk acoustique ouvrier avec le morceau Tous aux barricades, parce qu'on vous attend tous sur les barricades, camarades. Les barricades qui empêcheront l'oppresseur de passer à travers notre liberté. Les barricades des fossoyeurs sceptiques. J'entends des mélodies qui me frottent dans la tête, avec des refrains super chouettes, ouais, qui réclament que tout pète, que nos vies soient une fête, même si certains y perdent la tête. Ouais, ça c'est très chouette, que certains arrivent vers leur tête. Qui me passe par l'esprit avec des rimes assassines à vomir sur les pourris qui profitent de nos vies. Eh bien, messieurs, dames, profitez, car nous savons bel et bien pourquoi demain sera fait. Et cette chanson qu'on chantera sur les barricades quand les rues se transformeront en espace de liberté, cette chanson véritable sérénade, à la fin de votre règne, alors tremblez. J'ai tant de mélodies, ouais, qui chante la colère, qu'on jettera à la face de tous ces faiseurs de misère. J'en ai bien d'autres encore, je chante le pouvoir, pour repas de mon vent noir, à la lueur d'un grand soir. Cette chanson qu'on chantera sur les barricades quand les rues se transformeront en espace de liberté, cette chanson véritable sérénade, à la fin de votre règne, alors tremble. Déjà là-bas qui s'avance aussi, entre dans la danse. Et on danse, danse sur la plaque bon, toutes les espérances. Et ensemble oui, chantons, chantons la révolution. Et ensemble oui, chantons la plus belle de toutes les chansons. Et ensemble oui, chantons, chantons la révolution. Et ensemble, oui, debout, oui, debout, oui, debout, compagnons. Ensemble pour la révolution, compagnons. C'était les Fossoyeurs Sceptiques avec le morceau Les Barricades. Je vous fais la grosse bêche, les copains, et j'espère vous voir très bientôt sur le sol belge. Nous arrivons déjà tout doucement à la moitié de l'émission spéciale anti-Noël de Fréquence Perestroïka sur 107.8 FM et 105.8 FM à Beaumont et Sivry-Rance. Et également sur Radio Air Libre. Oui, à Bruxelles, vous pouvez nous écouter sur 87.7. Et sinon, il y a un nouveau site depuis un an, comme ça, c'est radioairlibre.net maintenant. Et donc là, vous pouvez aussi écouter en streaming. Oui, vous pourrez réécouter les podcasts également sur le Mixcloud de Radio Salamandre si vous avez envie de nous écouter, de nous réécouter ou même de nous partager. Ah oui, aussi, podcast transgenard.noblox.org. C'est Noël dans tous les foyers. Il n'a jamais fait aussi lumineux que dans nos cœurs. Je vous propose d'écouter une petite chanson des Sales Majestés, Petit Papa Noël. « c'est le bordel. Les hommes n'ont pas été sages, ça a été un vrai carnage. Crois-moi, une vraie boucherie, New York à Kaboul City. Et si tu descends quand même dans ton traîneau éternel, surtout n'amène pas de cadeaux à ces enfants de salauds. Pour les grands, sois sans pitié, surtout ne fais pas de quartier. Ils ne l'ont pas mérité, mais rien dans leurs petits souliers. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, descends avec ton flingue, en bas y'a plus que des dingues. Mais n'oublie pas les enfants, ils t'attendent impatiemment, même si souvent leurs parents sont plus bêtes que méchants. Et si tu descends quand même dans ton traîneau éternel, surtout n'amène pas de cadeaux à ces enfants de salauds. Pour les grands, sois sans pitié, surtout ne fais pas de quartier. Ils ne l'ont pas mérité, mais rien dans leurs petits souliers. Si tu vas à Bethléem, n'oublie pas les enfants, ils t'attendent impatiemment. Mais prends ton gilet de pare-balles, là-bas c'est la guerre totale. D'ailleurs c'est la guerre partout, on vit dans un monde de fous. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, n'oublie pas les poubelles, car en bas c'est le bordel. Les hommes n'ont pas été sages, ça a été un vrai carnage. Vois-moi une vraie boucherie, New York à Kaboul City. Petit Papa Noël, Petit Papa Noël, on fera mieux l'année prochaine. Petit Papa Noël. C'était le morceau Petit Papa Noël des Sales Majestés. Je propose à présent de parler d'un groupe que j'ai déjà passé dans une de mes émissions. Il s'appelle Cop on Fire et c'est des gars de Leuven que je pense que tu connais bien, Gwen. Ouais, donc le groupe n'existe plus malheureusement, mais... Il y a deux musiciens qui sont continués maintenant dans un autre groupe qui s'appelle Donderhell et Hagel, et c'est plutôt devenu techno-punk. Voilà, et donc ils sont aussi passés encore au Magasin 4. Comme tous les bons groupes alternatifs, c'est là où il faut être, c'est Magasin 4. Bon, ensuite, je voulais quand même, avec cette anti-Noël, parler de violences policières. Et faire une commémoration aux personnes tuées par la police en Belgique. Vraiment, c'est hallucinant. Toutes les gens, les jeunes, étaient tués par la police. On n'oublie pas, on ne pardonne pas. C'est Mira, Maouda, Adil, Ibrahima, Sabrina, Ouassim, Mehdi, Ilyes, Akram, Lamine Bangoura. Et aussi, dernièrement encore, une autre personne sans papier qui n'a même pas encore été identifiée, de nouveau dans le commissariat fédéral de Bruxelles, dans le quartier Nord. Vraiment, ça n'arrête pas. C'est, je ne peux pas dire, 13-12. On n'oublie pas les camarades et on n'oublie pas non plus que les violences policières continuent, même en cette période de Noël. Vraiment, on n'oublie pas, on ne pardonne pas. L'impunité des polices, ça doit arrêter. Cet état policier doit s'arrêter. Je vous propose d'écouter... un petit morceau de Cop on Fire qui s'appelle Police State. Cops don't like me, so I don't like cops. Cops Cop on Fire avec l'excellent morceau Police State. Et oui, malheureusement, le policier n'a pas été ton ami à chaque fois. Fais attention à lui, car lui se méfie de toi. Ouais, et pour continuer dans la lutte, je voulais bien vous présenter une chanson qu'on chante énormément dans les manifestations avec des personnes sans papier en lutte. C'est le Yonamar, de rap des sans-papiers par Khaled Freak, qui a été remixé en effet par Khaled Freak. Je salue pour ses nombreuses remixes politiques et engagées. Merci camarade. Et pour qui ? Et pour qui ? La liberté, l'égalité, fraternité, solidarité, du récipient, comme bout de papier. Voulons la main, voulons la main. Khaled Freak. Ouais, et à part des manifestations, vous pouvez aller soutenir toutes les occupations des sans-papiers à Bruxelles. Il y en a plusieurs. Il y en a l'Hospitalière à Saint-Gilles, il y a un avenue Louise, rue de Fax, et il y a aussi celui qui était plus remarquable, je trouvais, c'était qu'ils ont occupé la banque KBC, donc une partie. Et ils sont toujours là. Il y a eu une menace d'expulsion il y a une semaine. Mais ils ont fait le combat, il y a eu de soutien, ça en parlait dans le média, et voilà. Et maintenant, ils peuvent rester jusqu'à fin mars. Donc, il y a toujours moyen d'aller les voir. Ça s'appelle le zoo neutre. Et voilà, en finale, il y en a marre et il faut la régularisation pour toutes et toutes. Où est-ce qu'on peut la trouver, cette zone neutre? Ben, c'est Avenue du Port, si tu vas vers Magasin 4. Si tu connais Magasin 4 ou que tu veux passer à la Zinzinerie, c'est, ouais, c'est sur ton chemin. C'est Sainte-Lotte. Alors, je vous propose de rester dans cette idée un peu anticapitaliste. Pour Noël, on nous rappelle à tort et à travers de toujours dépenser, que ce sont les seules valeurs qui nous unissent. Je vous propose d'écouter un petit morceau ska qui en parle pas mal, de Los Tres Puntos. Je dépense, donc je suis. We'll be right back. C'était le morceau « Je dépense donc je suis » de Los Tres Puntos. Vous êtes toujours à l'écoute de Fréquence Perestroïka, l'émission de la musique folklorique et engagée pour cet épisode spécial anti-Noël en compagnie de Gwen de Radio Air Libre. Et l'émission Tranche d'un art. Voilà, on continue parce que voilà, il y a des luttes, il y a des combats à faire, c'est ça. Au soutien de quatre camarades condamnés pour la destruction de la maquette Maxi Prison en 2015, dont la lutte contre le Maxi Prison à Arran, qui est en train d'être construit, n'est pas encore effectif, mais en exécution, mais presque quand même, qui se situe dans le nord de Bruxelles. Dans le temps, c'était connu la résistance, les ZAD de zone à défendre de Kielbeek. Malheureusement, donc dans une des actions, ils ont été mis en procès. Et donc, il y a eu dernièrement un verdict tribunal civil pour la destruction de la maquette qui maintenant une amende de 43 000 euros à payer collectivement par les quatre personnes. Donc, si vous voulez être solidaire, il y a moyen de verser des sous sur le compte. On peut le trouver sur toutes les infos sur bxl.indymedia.org, mais aussi en organisant une caisse de soutien pendant vos événements. Toute la solidarité est bienvenue. Voilà, destruction de toutes les prisons, brique par brique, mur par mur. Mettrons également un peu d'informations dans la description du podcast, si vous voulez un peu plus d'infos. Mais n'hésitez pas à soutenir les camarades qui ont lutté contre cette maxi-prison qui a détruit des magnifiques terrains à Rennes et surtout un cadre de vie paisible de personnes engagées qui ont lutté jusqu'à leur dernier soupir pour nous protéger de l'envahisseur fascisant. Ouais, mais ils ont bien retardé les travaux. C'était quand même une lutte assez... Une lutte acharnée qui a duré plusieurs années. Oui, hein. Plein de gens qui étaient impliqués, toutes les personnes, les habitants... des zadistes, voilà, des gens en soutien, c'était... Ouais. Alors pour l'abolition de toutes les prisons du monde, je vous propose d'écouter un petit track de Conscious Youth avec les Operators et Daman au chant, qui s'appelle Prison Abolition. It's a horror, oh it's a terror, in jail like a survivor. Move you make is what they can humiliate you for nothing. Oh, what a frightening thing! Prisoners have no living. Oh, what a horrible thing! When in cage you are living. Screws are some real terror. In jail like a survivor. Each move you make is what they can humiliate you for nothing. Oh, what a frightening thing! Captives have no living. Oh, what a dreadful thing. When in Nick, you are leaving. We want prison abolition. Jailhouse is an abomination. We want prison abolition. Jailhouse is an abomination. Prisoners from outside can't imagine the pain they feel inside. Humiliation every day, it's like a small fascist world where you have no right. Liberate the prisoners tonight. Let's smash some doors and hit the road. Yes, we're gonna burn down the law. We want prison abolition. Jailhouse is an abomination. We want prison abolition. Jailhouse is an abomination. Schools are some real terror. In jail like a survivor. Each move you make is watch. They can humiliate you for nothing. Oh, what a frightening thing. Captives have no living. Oh, what a dreadful thing. When in Nick, you are leaving. Why, why? Prison is a hardcore thing. boy, boy, jailers, we go break it. Boy, boy, prison is a hard cutting. Boy, boy, jailers, we go break it. We want prison abolition. Jailhouse is an abomination. We want prison abolition. Jailhouse is an abomination. Schools as a military, in jail like a survivor. Each move you make is watched. They can humiliate you for nothing. Oh, what a frightening thing. Captives have no living. Oh, what a dreadful thing. When in Nick, you are leaving. Why, why? Prison is a hard cutting. Why, why? Jailhouse, we go breaking. Why, why? Prison is a hard cutting. Why, why? Jailhouse, we go breaking. Yes, I. Tous pour l'abolition des prisons. Je vous propose de rester dans le mood dub avec un autre morceau qui est sorti il y a très peu. Et c'est une remix de Zion Train. Je vous propose de commencer par ce premier morceau, Gwen, et puis on passera sur un suivant un peu plus politique. Qu'est-ce que tu en penses ? Bon, non, d'accord, mais Zion Train, ça passe, hein, c'est super. Toujours. Body drinks, body drinks. Yeah, body drinks, body drinks. Body drinks, body drinks. Yeah, body drinks, body drinks. Yeah, yeah. Politics, politics. Just commercial tricks, dirty tricks. Come to get the people licks, people licks. And only one way to fix, way to fix. Fire for them rule. Burn the body. down all the politics in a Babylon. C'était le morceau Politics de Zion Train avec Prince Jamo au chant et remixé par Baodub. Je te propose, Gwen, de tout doucement terminer cette émission avec un morceau initialement composé également par Zion Train, qui est d'ailleurs le concert où nous avons sympathisé, qui se trouvait également être le dernier concert légal du magasin 4 avant sa fermeture, contrainte et forcée par les versatiles mesures sanitaires. J'ai envie de dire Peace and Love and Unity in a Dissent System. C'est ça aussi la lutte. Ouais, c'est le défoulement, c'est la fête pour pouvoir continuer la résistance. Je pense que c'est nécessaire pour que les forces vives puissent continuer à combattre, qu'on puisse aussi envisager la joie et la danse. Je te propose du coup d'écouter un autre morceau pas mal engagé, également une remix de Zion Train qui nous parlait ici plutôt de la situation migratoire. Je te propose d'écouter No ID avec Daman au chant. We are all warriors for freedom. C'était Zion Train et Daman avec le morceau No ID. Encore une fois, nous sommes restreints à consommer plutôt que de se rassembler contre l'oppression impitoyable du gouvernement, celle qui nous accable chaque jour un peu plus. Mais nous ne courbons pas les chines sous le joug fascisant du corona-circus. Peu importe ce qu'ils vous diront, peu importe ce qu'ils vous interdiront, nous sommes plus nombreux qu'eux et la salvatrice voie de l'indépendance fera refleurir nos émancipations. Je vous propose à présent de parler d'un autre combat qui est toujours d'actualité, surtout en cette période froide, celle des ZAD et des squats. Ouais, et aussi ça donne lieu à la résistance, donc les squats. C'est de, où on crée une autre vie qui est possible. Et donc, avant de lancer le morceau, je veux vous quand même présenter encore une autre émission à laquelle je fais partie, c'est « À la cloche de bois ». Qui passe aussi à Radio Air Libre le deuxième mercredi du mois à 20h30, qui parlera de la lutte pour le logement, les squats et le rapport à la ville à Bruxelles et ailleurs. Il y a aussi, pour plus d'infos, un blog, c'est alaclochedebois.noblogs.org où tu peux retrouver tous les podcasts. C'est une émission qui existe maintenant depuis un an et on est dans la 15e épisode, je pense. Voilà, et... Maintenant, dans le jingle de À la cloche de bois, on a pris une partie de ce morceau-là qu'on vient vous lancer maintenant. C'est Squatters' Right de Inner Terrestrials. Restez dans la lutte. Squat et ZAD partout. Get up, stand up. morceau Squatters Rights, Get Up, Stand Up, camarade. Et oui, l'émission touche à sa fin déjà. Je remercie Gwen de Radio Air Libre pour cette merveilleuse collaboration, pour cette émission anti-Noël qui est une première pour Radio Salamandre et qui est le réveil d'un vieux monde pour Radio Air Libre, d'après ce que j'ai compris. Je vous propose du coup de terminer sur un autre track de Inner Terrestrials. Prenez vos fourches, prenez vos torches, et les cendres neigeront peut-être cet hiver sur les restes de l'ancien monde. Restez engagés, camarades, restez dans la lutte. L'anarchie triomphera. À très bientôt, camarades, on se retrouve la semaine prochaine, et probablement bientôt pour de nouvelles aventures avec Radio Air Libre. Retrouvez-nous en podcast sur Mixcloud, sur la page de Radio Salamandre, mais également... Radioairlibre.net ou 87.7 FM direct à Bruxelles. Voilà, et donc ceci sera rediffusé devant la rediffusion de l'émission Tranche en Art de vendredi le 24 décembre. Et pendant l'émission Tranche en Art de 22 décembre, donc mercredi avant, on parlera de la lutte en Colombie. Il y a un camarade qui vient aussi parler des luttes violemment réprimées et où il y avait même plusieurs jeunes qui ont été tués. Donc n'hésitez pas à écouter aussi Tranche en Art. Du coup, vous pourrez me retrouver tous les soirs pour cette émission de 18 à 19 heures sur 107.8 FM à Beaumont, en podcast sur Mixcloud, mais également en diffusion directe sur la web radio Infomaniac de Radio Salamandre, et également pour une diffusion commune de 20 à 21 heures simultanément sur Radio Air Libre à Bruxelles. Rappelle-nous les fréquences, Gwen. 87.7 et ou radioairlibre.net. Et évidemment, de nouveau, sur les fréquences de Radio Salamandre pour le début de l'émission Beau Mix et Sillon de vendredi. Et je terminerai par une brève incursion que vous pourriez qualifier de moralisatrice. Il est l'heure de rallumer votre cerveau. Éteignez votre télé, rallumez votre radio. Tant que le peuple se révoltera, la lutte vivra. On se quitte sur un petit brin d'anarchie avec Inner Terrestrials. À très bientôt! Put up.